C'est l'histoire d'un lieu, d'un endroit qu'on ne voit pas toujours sur une carte, d'une route serrée sous un tunnel d'arbres. Apparaissait à nos regards un endroit secret que je garde pour moi, pour l'offrir à quelqu'un parfois. Une carte postale pour en donner l'image. Non, ça ne suffit pas. Ces rues étroites et ces places n'ont pas tout encore leur nom. Mais dans les bars, la vie finit bien tard, bien après le coucher d'un soleil de plomb. Des gens bizarres, même des gens sans histoire, partagent cette même passion. Un endroit sans gloire, sans luxe et sans star, toujours la même histoire, toujours cette même histoire. C'est l'histoire d'un lieu, d'un endroit que les guides ne conseillent pas. Une route serrée sous un tunnel d'arbres, du moins ça l'était autrefois. J'ai voulu fermer mes yeux pour ne plus voir, mais j'entends toujours ton nom. Y aller pour boire ou draguer tous les soirs, non, ça ne suffit pas. Coller comme une image sur la colline, une fontaine domine la plage, qu'un long mur blanc protège, ainsi qu'une chapelle où l'on peut tirer et non seulement croire. Pour certains l'habitude, d'autres l'occasion, partager la même vision d'un endroit sans gloire, sans luxe et sans star, toujours la même histoire, putain d'histoire. Je crois, même si sa route a bien moins d'arbres et que ses bars ont moins d'éclat, ses rues étroites et ses places ont toutes trouvé leur nom, foulées par des stars, et ce n'est plus par hasard qu'il a fallu monter le son. Par habitude, peut-être par compassion, ou juste le sentiment d'un endroit plein d'âme, d'amour et de charme, au fond de ma mémoire, putain d'histoire. Et comme sa route n'a plus ses arbres,